J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans cette 37e émission de Comics Discovery avec du monde autour de la table. Pour une fois, ça change, c'est cool. Donc, autour de moi, il y a Bertrand. Salut Bertrand. Salut. Thomas, toi, parlons bien dans le micro. Salut Thomas. De retour après le bac. Ouais, après le bac. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu vas l'avoir? Je suis en rattrapage. Oui, je pense. Normalement, je l'aurai. J'espère ne pas l'avoir en rattrapage. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. Ah. Pour avoir un métier plus tard et rentrer non, à la fac. Bah, moi j'ai pas de bac hein, et j'ai pas de métier, mais ce n'est pas grave. Bah voilà, tu les comptes. Mais chômeur est un métier, comme les autres. S'il vous plaît, pas de discrimination. Romain est avec nous, salut Romain. Salut. Et en face de toi, il y a Johnny. Allô. Et Mathieu. Pareil. Et aujourd'hui, on va vous parler de Face, de Valiant. Mais avant ça, on va faire les petites news. Allez, c'est parti. On doit de l'argent à personne avec ce jingle. De quoi? Y a pas CNN qui va appeler en non, disant non, pas vous levez 3 millions de dollars. Pas du tout. C'est de merde. Ce sera bientôt on aura Trump en interview, mais pas encore. Ah, super. Pas encore. Pas encore, oui. Donc la première news, c'est une news plutôt une bonne nouvelle. C'est la ressortie en Blu-ray de Batman contre le fantôme masqué. Donc dans une édition remasterisée. Donc le film tiré de Batman The Animated Series de Paul Dini et Bruce Timm. Je pense qu'il est un des meilleurs films tirés de. Le meilleur. De Batman en animation, je pense. Et bon, il va ressortir en juillet en Blu-ray. Et je trouve que c'est une bonne occasion pour revoir ce film qui est vraiment très très bien. Et pour l'avoir en Blu-ray, parce que c'est cool d'avoir des bons films en Blu-ray. Est-ce que quelqu'un autour de la table a envie de réagir par rapport? Oui, Thomas. J'adore ce dessin animé. Pour tous ceux qui a envie de découvrir un peu le personnage de Batman, et bah ça resitue un peu ses origines, mais surtout les origines du Joker. Ouais, c'est surtout les origines. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce dessin animé, et je le regardais quand j'étais tout petit, et il me faisait limite flipper quand j'étais petit. C'est vrai qu'il est un peu flippant. Mais franchement, l'ambiance est parfaite, ça respecte vraiment l'univers de Batman. Enfin, vraiment, Bruce Timm et Paul Dini, de toute façon, c'est une belle aventure. En plus, t'as pas besoin d'avoir vu la série. C'est, le film se tient tout seul. Ouais, donc, ça se tient tout seul, et franchement, s'il y aurait un film live comme ça de Batman, ce sera un chef d'œuvre. Johnny, qui est un peu notre spécialiste en cartoon. Disons que généralement, les avis, comment dire, les fans autoproclamés de Batman ont souvent tendance à dire ouais, Dark Knight c'est le meilleur, et je m'en vais souvent avec un petit rire parce que je pense à ce film-là comme étant la meilleure adaptation de Batman et la meilleure introduction de Batman aussi. Je crois que de tous les films que j'ai vus, toutes catégories confondues, c'est celui qui comprend le mieux Batman en fait, et qui l'introduit le mieux en mettant le mieux en avant tous les éléments importants de sa personnalité, de son histoire et tout ça. Et ça, plus le fait que la réalisation est géniale, la bande son est phénoménale, la mise en scène est extraordinaire, le Joker est parfait, enfin le film est absolument un pur chef d'œuvre. Oui. Bon bah voilà, on peut pas dire plus. On va passer à une autre news. En tout cas, allez acheter ce petit bijou, parce que franchement ça vaut le coup. Et une autre news qui fait un peu plus peur, c'est HBO qui nous annonce une nouvelle série, et cette fois la chaîne du câble très connue pour des séries comme The Wire, Les Sopranos, Westworld ou encore Game of Thrones a annoncé un film tiré du roman graphique d'Alan Moore et de Dave Gibbons, Watchmen, avec à sa tête l'un des plus grands showrunners pour moi de tous les temps, c'est Damon Lindelof qui vient de finir The Leftovers et qui avant était sur la meilleure série de tous les temps, Lost, et qui a saccagé Prometheus. Et qui a bossé sur Prometheus, oui, effectivement. Effectivement. Ne commence pas comme c'était ça, Mathieu. Contrebalancé. Donc, qui devrait arriver sur nos écrans en 2018. Moi, je me pose beaucoup de questions, parce que si c'est juste Watchmen, autant voir le film de Zack Snyder. Quoi. Il le reprend hyper fidèlement, de toute façon, limite case par case. Mais s'ils prennent la préquelle à Watchmen, donc Before Watchmen, pourquoi pas? Il y a des trucs cool dans B-World. C'est qu'un film du coup? Non, c'est une série. Ah, série télé. Ouais, ça se prête plus quand même Watchmen, parce que c'est quand même super super dense. Après, c'est quand même. C'est réputé pour être inadaptable, Snyder, mine de rien. Moi je trouve qu'il l'a bien réussi. Ils s'en sortaient pas si mal que ça. Un format série, justement, ça laisse le temps de développer plus de choses. En plus, HBO, j'ai relativement confiance, mine de rien. Les derniers gros projets, c'était pas mal. Je suis vachement curieux en fait. Parce qu'effectivement, Line Off, bon là je trollais un peu sur Prometheus, mais Leftover, c'était pas mal. En peut-être série télé, ça lui va mieux le format. Il fait du Lost aussi, non, aussi un peu. Oui, bah oui, c'est un des gros showrunners de Lost. Ouais, je serais quand même curieux. Ouais, moi aussi, ça me hype beaucoup. Est-ce que quelqu'un autour de la table a envie de réagir sur cette news? Non, je suis très curieux aussi de savoir ce que ça va donner. Ouais, en sachant que c'est HBO, il y aura beaucoup de nus. On a de la chance, on a Dr Manhattan. Donc là, c'est bon. Ça s'est fait. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Bah, après le spectre soyeux, peut-être. Après Rebirth, je suis assez sceptique. De viol avec la... Vaut mieux pas trop toucher. Ah ouais, c'est vrai que s'ils mettent Rebirth. Mais du coup, c'est un peu lié parce que HBO appartient à Warner. Donc c'est ça. Un peu lié au. Du coup, comme ils mettent un peu en avant Watchmen avec Rebirth. Ouais, si après, là. Non, ils vont pas partir aussi loin. Ça serait trop. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Tu pars trop loin. Là, t'imagines bon, après, ils intègrent Batman. On va passer à une autre news, et c'est une news qui fait un peu plus peur. Où on se dit, mais pourquoi? Alors, après l'échec cuisant, et cuisant est vraiment un faible mot de Fantastic Four de Josh Trank, et bah, apparemment la Fox n'est pas refroidie par rapport à la licence, puisqu'elle est en train de préparer un nouveau projet autour de la famille super-héroïque la plus emblématique de chez Marvel, donc les 4 Fantastiques. Mais cette fois, on oublie Reed Richards et Susan Storm, et on va retrouver au roster de l'équipe Franklin et Valeria Richards, les enfants de Reed Richards et Susan Storm, avec la chose et la torche humaine. Et apparemment, celui qui s'occupe du scénario serait Seth Graham Smith, donc un auteur qu'on connaît peut-être déjà pour Pride, Prejudice and Zombie, et Abraham Lincoln, chasseur de vampires, donc deux romans et deux films plutôt moyens, surtout Abraham Lincoln, chasseur de vampires, qui était vraiment nul. Donc et en plus, il n'est pas étranger au travail sur les Fantastic Four, puisqu'il avait joué le script doctor sur le film de Josh Trank. Il n'a pas fait le montage. Non, franchement, c'est vachement bon signe là. J'ai beaucoup d'espoir pour ce film. Ah ouais. En vrai, je pense que avant de faire un film sur les enfants des 4 Fantastiques, faites un bon film sur les 4 Fantastiques. Ouais, ce serait déjà vrai. Bien. Ils ont essayé a priori. Ou peut-être laissez-le à Marvel Studios. J'en sais rien. Non, mais l'idée à la mine, je la trouve pas forcément débile, parce que les 4 Fantastiques, ça vend plus depuis des années. La famille, ça marche plus. Même en comics, ça même en comics, ça marche plus. Donc à la limite, ils essaient de changer un peu l'angle. Pourquoi pas? Bon, je dis pas que celui-là est terrible, mais au moins ils ont réfléchi 2 secondes. Au moins, on n'aura pas de nouvelle origin story. Voilà, peut-être, ouais. Et puis après, la raison, elle est simple, ils ont les droits, et je sais plus exactement les termes des contrats, mais s'ils font pas des films tous les temps d'années, ils perdent les droits, ça revient chez Marvel. Ça s'est vu, je sais pas combien de fois, avec Ghost Rider, avec Daredevil, les mecs qui vont sortir des films de dub pour pas perdre les droits, parce que pour une raison que je comprends pas, ils arrivent à faire du pognon quand même. Mais bon, effectivement, ça fait pas. Il a marché le dernier? Le dernier, non, non, c'est non, un four total. Bertrand, qui est le plus newbie d'entre nous. Déjà, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit, mais Orgueil, Préjugé, Zombie est un super livre. Le film est pourri, mais le livre est génial. Oui, non, j'ai rien dit sur les livres, je les ai pas lus. Mais les ils deux sont, films. Ils sont géniaux. Surtout Abraham Lincoln, chasseur de vampires, c'est vraiment pas génial. Non, après, pour les 4 Fantastiques, moi je demande à voir. Il faudra voir le casting et peut-être ça. C'est peut-être bien, faut essayer une chance. Hein. D'accord. Soyons optimistes. Je vois Johnny qui tire une tête. En fait, je suis dubitatif. C'est. Comment dire? Le concept de prendre les enfants Richards et de les mettre en équipe avec la chose et la torche humaine, ça a l'air réfléchi en fait. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont vraiment réfléchi à une idée pour une fois et qu'ils se sont dit tiens, on fait un truc qu'on n'aurait normalement pas fait parce que le truc de base aurait été un énième reboot. Nous, ça fait moins random que. Voilà, et c'est ça en fait qui me rend dubitatif parce que je pense pas voir un bon film, mais ça a l'air réfléchi. Bizarre. Franklin Richard, je crois qu'il est totalement omnipotent, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais même sa sœur aussi, je la connais moins. Lui, c'est réécrit. Bon, il réécrit. De toute façon, il faut Dr. Doom. C'est le seul truc qui fera que le film sera bien. Non, ouais. Bon, Dr. Doom, mais le film sera bien. Mais ça fait déjà deux fois que je tiens à dire que le dernier Dr. Doom, enfin les deux derniers, c'était pas Dr. Doom, c'était un mec avec un sac poubelle sur le dos. Exactement, c'est ça, donc il est compliqué à réussir, mon avis. Sinon, c'est juste que. C'est un Fatality Bot pourri. Mais ils ont jamais essayé. C'est un taille de bon méchant de base. Ils ont jamais essayé. Ouais, non, techniquement, ils l'ont jamais fait. Donc on va passer à une autre news. Et là, un truc un peu plus joyeux, même un truc très très joyeux. Enfin, moi je trouve cool, j'ai pas vu le film, mais ça me hype beaucoup. Je pense que ça va plus parler à Romain et à Mathieu. Bon, je ne dis pas que vous êtes vus. Hein, ça mais... commence par Star. Non, ça ne commence pas par Star, mais. Si ça finit par Wars, ça parle de Sam Raimi et ça ne parle pas d'Evil Dead ni de Spider-Man. Est-ce que tu. Non, ça ne te dit rien. Non, vas-y. En fait, c'est. Je ne sais pas si tu l'as vu, Darkman. un des premiers films. Oh de... putain, oui, ouais. Et ben en fait, il y a une bande de passionnés français qui ont envie de ressortir ce petit bijou en DVD et qui ont lancé un Ulule pour ressortir un coffret ultime de Darkman avec dedans le format original 1.85 résolution 1080p avec toutes les pistes et tout ce qu'il faut et la version française du premier film, les deux suites, donc Darkman le retour de Durand et Darkman 3. Je sais pas si tu as vu les... Non, ça je savais pas. Non, je savais pas qu'il y avait des suites. Et en plus un comics inédit en France qui s'appelle Darkman versus The Army of Darkness où vous retrouverez en plus de Peyton Westlake, donc le héros de Darkman, Ash, donc un autre héros de chez San Remi, qui vont se réunir pour casser du zombie. Et un comics écrit par pas n'importe qui, puisque vous avez Roger Stern, Kurt Busiek et James Fry, donc des noms. C'est pas dégueu, oui, effectivement. Ils demandaient 6000 euros, ils sont actuellement à 78% d'avoir leur truc, il reste encore un mois pour participer. Et donc, moi, ça me hype bien parce que l'objet a l'air sympathique, les contreparties ont l'air sympathiques et ça a l'air d'être fait par des passionnés. Donc, le principe est assez génial, hein. Il y a des mecs dans un coin qui disent tiens, on va faire une ressortie d'un vieux film, en plus, ça m'aurait mis. Est-ce que tu peux rappeler l'histoire un peu pour les gens qui... Sincèrement, je l'ai fait il y a 25 ans. Heureusement, j'ai noté le pitch. Alors, c'est les aventures de Peyton Westlake, comme je vous dis, un généticien qui, suite à une agression dans son labo par des gangsters, va être défiguré et va utiliser son génie pour assouvir sa vengeance. Et apparemment, ça touche entre le super-héroïque et ce qui est un peu le premier amour de Sam Raimi, le cinéma un peu gore et un peu horreur. Un peu, oui, Evil Dead. Et apparemment, ça a l'air très, très, très, très drôle, très, très dans l'humour un peu... Bah, l'humour de Evil Dead, très potache et trashy. Et trashy, ouais. Donc moi, ça me hype bien. J'ai vu la bande-annonce, et rien que la bande-annonce, il y a Liam Neeson en espèce de oh, Batman putain, c'est vrai, défiguré. Ouais. C'est assez, oh. C'est assez marrant. Ouais. Ça rappelle de très vieux souvenirs. Ouais, c'est pointu. J'en ai parlé à Faye hier, elle se souvenait même plus que c'était Liam Neeson qui était. Ouais, non, moi non plus, ouais, j'avoue. Liam Neeson en Batman. Ouais, mais c'est plus de spirit. Ça a prévu en fait. L'avenir en fait, ce film. C'est vrai. Mais c'est plus de spirit, il a une espèce de grand chapeau avec. Mais il a vraiment un design sympa, je trouve. Et vraiment, c'est une bonne. On vous mettra le lien sur Facebook et dans la description du podcast. Donc, si vous voulez y participer, je pense que c'est un bon petit truc à se faire offrir un truc frais en cette fin d'été. C'est pas un cadeau en plus, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est vraiment c'est connaisseur là. Attention, gros level. Bon, on va passer à un truc un peu moins joyeux. C'est encore des news sur l'univers de Spider-Man par Sony. Donc, alors après que Kevin Feige ait dit non, Venom ne sera pas dans l'univers du MCU, que Amy Pascal ait dit mais si, il sera dans l'univers. C'était vachement drôle comme vidéo. Ouais. Ah, franchement, faudrait que tu mettes un lien sur le j'en site. J'en ai parlé la semaine dernière, la vidéo est très drôle, oui. Et devinez qu'est-ce qu'a dit Monsieur Feige cette semaine ? Mais bon, c'est facile ça quand même. Il a dit non, bah non, finalement, non. Elle a dit de la merde, il sera pas dans le MCU. Est-ce que tu peux expliquer l'interview J'en ai parlé la semaine dernière. Pour les gens qui étaient pas là la semaine dernière, il y a eu une interview de Amy Pascal, donc, qui est la productrice chez Sony, et Kevin Feige, qui est un peu la grande pompe de Marvel au niveau du cinéma. Et en fait, ils étaient tous les deux pendant une interview, et Amy Pascal. Devant le mec qui lui posait la question, est-ce que Venom sera dans l'univers du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, elle a répondu oui, mais vraiment en mode, elle était sûre d'elle et tout, et on voyait Kevin Feige qui se décomposait au fur et à mesure que la meuf était en train de parler, c'était assez, assez marrant, et du coup, là il lui a re-répondu, je sais pas pourquoi il l'a pas dit de suite, ouais, non mais bah tu ouais. dis n'importe quoi. C'est les règles du showbiz, tu peux pas lancer comme ça une espèce de débat façon, mais pourquoi tu racontes de la merde devant la caméra ouais, tu peux pas faire ça devant la caméra, c'est interdit. Du coup, oui. Tu fais une annonce. Ensuite, en disant bon, en fait, finalement, non, comme si c'était censé être prévu, quoi, alors que il a dû y avoir une espèce de dispute derrière les coulisses. Ouais, je crois que je cherche même plus. Enfin, l'annonce qui me fait encore plus peur que ça, c'est on a l'annonce de l'antagoniste dans le film de Ruben Fleischer, donc Venom, ce sera Carnage. C'est original. Donc, ça vous surprend? Non mais c'est, fin, c'est un peu pourri, il est un peu pourri comme... ça peut pas être Spider-Man du coup. Oui, non mais ça pourrait être un autre... Jack est un ennemi au film Venom, ça me paraît bizarre moi. Oui, effectivement, oui. Bah si c'était sur l'agent Venom, il y avait moyen de puiser dans pas mal de méchants. Il y en avait un qui ressemblait, il s'appelait Jack O'Lantern, il avait une tête de citrouille et il surfait sur un balai avec un moteur à l'arrière. Enfin, c'est ah oui, c'est génial. Une espèce de faux bouffon vert. Ouais, légèrement, ouais, mais il était funky à mort, il était défiguré en dessous du masque, je l'aimais beaucoup. Et c'était un véritable sadique. Il avait tué ses parents, il avait découpé les têtes et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Et non, lui, il était cool. Mais, bon, bah, Carnage. Carnage, c'était évident. Qui est Carnage Carnage, c'est pas... Bah, c'est le fils de Venom en plus, de base. Parce que les symbiotes, celui de Venom. Mince. Ils ont pas besoin de se reproduire. Je sais pas comment on appelle ça quand. C'est la mitose ou un truc comme ça. C'est un nom spécifique. Et en gros, bah, de Venom est né Carnage. Et Carnage est son fils. Et en fait. Le symbiote de Venom, enfin du coup qui est devenu Carnage, et bah il va s'allier quand Eddie Brock est en prison à Cassidy, un tueur en série. Et donc imaginez ce que ça donne, un symbiote plus un tueur en série, sachant que Eddie Brock est pas méchant à la base, ouais. Donc il, en se mêlant avec Venom, il devient méchant. Ouais, un vrai méchant mêlé avec Carnage, c'est Venom tout maigre, rouge et avec une folie meurtrière phénoménale. Ouais. En dehors de ça, j'avais lu un truc pendant l'événement Axis. Où genre tous les méchants devenaient gentils, les gentils méchants, ouais. Et du coup t'avais Venom qui était gentil et c'était, en vrai c'était hilarant à voir, okay. Vraiment. Donc Carnage, autant que moi ça vous fait, enfin ils sont en train de devenir très antipathiques, Sony, en fait, enfin surtout ça... Un truc par contre qui vont les rendre un peu plus sympathiques pour moi en tout cas, c'est qu'apparemment ils sont en train de plancher sur deux autres films, un film autour de Kraven. Donc moi j'aime beaucoup Kraven, je trouve que c'est un personnage sympathique. Déjà j'aime beaucoup les méchants de Spider-Man, mais sans Spider-Man en fait les méchants ils sont moins intéressants, je trouve. Et un autre film sur Mysterio, et moi un film Mysterio, je dis oui, vraiment dans la merde. Donc voilà, ils grattent ce qu'ils ont. Ça fait un peu plus, ça me fait plus pitié qu'autre chose en fait. Captain Boomerang après s'ils veulent, je crois. Non mais Captain Boomerang c'est chez DC ça. C'est comment il s'appelle, le Boomerang, alors non, Boomerang. Chez Marvel. Boomerang. Un film de 3 heures c'est Boomerang, allez. Super, ça va être vachement bien. Donc voilà, bon bref, voilà, j'ai rien d'autre à dire. On va passer aux sorties de la semaine. Ouais, plutôt. Alors, j'en ai noté 4. Il y a pas mal de sorties chez Panini, donc il y en a 3 notamment chez Panini. Donc déjà il y a Secret War, l'espèce de gros event de chez Panini qui sort pour 25€. Donc c'est par un monsieur Brian Michael Bendis et Gabriel Delotto. Est-ce que quelqu'un a lu Secret War autour de la table? Oui. Ouais, c'était mauvais. Est-ce que vous conseillez? Non. Alors pour expliquer ce que c'est, je peux expliquer vite fait le pitch. Vite fait, c'est compliqué. Non, vraiment, j'explique vite fait. En gros, il y a les différents univers de chez Marvel qui se rejoignent et qui rentrent en collision. Et Docteur Doom va essayer de sauver tout ça. Et c'est pas cette secret. Apparemment, moi, ce que j'ai pas, ce pitch là. Moi, j'ai Nick Fury qui va trouver un lien inquiétant entre tous les criminels et qui va demander, qui va réunir Wolverine. Ah, Secret War sans le S. Ouais. Ah ok, bah alors ça va, on n'est pas dans la plus grosse des merdes. C'est celui avec Gabriel Delotto. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, excusez-moi. Bah ok, bah alors ça normalement c'est bon. On parle de quel Nick Fury exactement? Le blanc, le noir ou le fils du noir? J'en sais rien du tout. Bah finalement on allait critiquer un comic. Je l'ai pas lu, mais la critique est bonne sur Secret War. C'est une sorte de graphique novel. Celui-là, oui, ouais, il est un peu. Ouais, il tient plus la route. J'ai vu le il y a longtemps, je me souviens plus exactement. Ok, ça m'est pas trop. Bah avec Gabriel Delotto au dessin, c'est joli. J'avoue que là, je sais. Ok, ça m'a pas bon, pourquoi pas si vous aimez Gabriel Delotto et si vous aimez Bendis, donc vous aimez les trucs un peu verbeux. Voilà. Un autre truc qui parlera plus à Mathieu, ça va être Daredevil par Mark Waid numéro 1, donc qui va sortir chez Panini pour 36€. Donc c'est écrit par Mark Waid. Et ça va parler aussi à notre ami Juni, puisque c'est dessiné par Marcos Martin, Paulo Rivera et Chris Samnee. Surtout Chris Samnee. Voilà. Donc, tu peux nous parler vite fait de Daredevil par Mark Waid? Alors ça, pour le coup, c'est un peu le contraire de Secret Wars. Non, c'est vachement plus. C'est un bon, très bon comics de super-héros. Je connais pas forcément Daredevil, beaucoup en tout cas. Ouais. Et pour le coup, c'est vachement plus centré autour de lui, autour de son quartier, autour de Foggy, autour de 2-3 personnages comme ça. Il essaie de mixer un petit peu, comme d'hab, sa carrière d'avocat, sa carrière de super-héros et tous les dangers qui va avec. Mais pour le coup, c'était vachement fluide. ça lisait vraiment très bien, ça me lie au dessin, c'est vraiment, ça fait partie de ces auteurs qui n'ont pas forcément un énorme style, je trouve, mais en termes de narration, ça, c'est vraiment fluide, voilà, tu lis vraiment, vraiment ça bien. Et pour le coup, ils avaient trouvé un truc visuel en plus super intéressant, où tu voyais la vision de Daredevil, en fait, comme si toi, tu voyais ce qu'il voyait avec plein de traits en relief et compagnie. Et visuellement, c'était vraiment bien, et puis c'est, toi, bon, comics Daredevil, ça, à mon avis, va pas révolutionner le personnage, mais j'ai un super souvenir de lecture cool. Donc, une bonne lecture d'été sympathique, ouais, à lire sur la plage. Parfait. Tranquillement. Donc, un autre comics qui va encore parler à Mathieu, puisque c'est X-Men, la chute de l'Empire Shi'ar chez Panini pour 30€, avec Ed Brubaker et au dessin Bill Tan et Clayton Henry. Est-ce que tu veux nous en parler vite? Ça, c'est un peu le contraire. C'est plein d'X-Men dans l'espace qui se foutent sur la mouille pendant 12 épisodes, je crois, avec les Shi'ar. Donc, les Shi'ar, c'est une grosse race extraterrestre. C'est un peu, je sais pas, rapidement les elfes, un peu vachement égocentriques, vachement je me la pète et tout, alors que bon, finalement, voilà. Et pour le coup, il y a le troisième frère Summers, donc il y a Scott Summers, Cyclope. Non, mais faut pas chercher à comprendre. Voilà, ils ont trouvé un frère Summers, pas dans les détails comme ça. De Jean Grey du futur et de celle du passé. Ne rentre pas dans les détails comme ça. 4 heures de chronologie. Bon, en gros, il pète une durite, il va dans l'espace, il devient empereur des Shi'ar et les X-Men vont dans l'espace pour y foutre sur la gueule. Ça va, ça révolutionne rien du tout. C'est la combienième fois que les X-Men et les Shi'ar se tapent sur la tête exactement? Cette semaine, 6. Quel jour on est? Lundi. Mais c'est un peu la race extraterrestre des X-Men qui apparaît toujours dans les X-Men. Voilà, c'est la leur. C'est quand il y a un trou dans le scénario. Voilà, on fout les Shi'ar. Voilà. On va se marier avec la princesse Shi'ar. Pour le coup, j'ai quand même un souvenir de lecture pas dégueu. C'est un blockbuster. C'est le genre de comics qu'il faut peut-être. Alors, désolé Panini, il faut peut-être vous le faire prêter parce que acheter, j'irai peut-être pas jusque-là. Ah ouais. Mais il y a une paire de morts un peu épique. T'as 2-3 bastons qui va bien. Et... Brubaker, c'est souvent sympa. Ouais, c'était pas dégueu ce qu'il avait fait. Ouais, voilà, c'était un bon pote qu'il a. À la limite, là, pour le coup, effectivement, avec une bière, une pizza, ça passe nickel, quoi. Ok. Et j'ai noté un autre comics. Par contre, c'est chez un petit éditeur, donc je sais pas si vous allez le trouver partout. C'est Hellshock de chez Alien Comics. Donc, c'est pour les gens qui connaissent, c'est un peu dont on parlait il y a pas longtemps. C'est un éditeur qui a été fait par Original Comics. Donc, le site où vous retrouvez plein de trucs. N'allez pas chez eux, c'est des cons. Ah, tu sais que j'étais en train de me dire, wow, Jet, tu fais la pub. Non, je fais pas la pub de ce mec, c'est un. Mais ouais, si. Enfin, faut encourager ce genre de petits. On en parlera en off un jour, peut-être. C'est mieux, ouais, je pense. Ouais, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. Je ne l'apprécie guère. Donc, en tout cas, il sort un truc de Jay Ali. Et Jay Ali, j'aime beaucoup son dessin. Pour ceux qui l'auraient peut-être vu, celle qui avait dessiné Ozymandias chez Before Watchmen, qui est un des. C'était pas un mec, c'est un mec. C'est un mec? C'est un monsieur. Oui. Il s'appelle Jay Lee et c'est un mec. Il est d'origine coréenne probablement. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas il est asiatique et il dessine super bien. Toutes ces pages ressemblent à des peintures en fait. Il encre pas l'encre chinoise justement. Alors justement il a un processus très bizarre où il y a vraiment un côté ombre chinoise dedans et il y a de l'encre de Chine du coup pour faire les aplats de noir. Mais ensuite il y va ensuite avec Photoshop, il rajoute des effets peinture et tout et le résultat ressemble à une espèce de gravure, enfin c'est super beau. Ouais, c'est vraiment super beau. Il a vraiment un style, tu le reconnais. Ouais, sur, genre les compositions, sur l'anatomie des personnages. Il a fait une, il y a une page de Wonder Woman qui est debout, qui tient une lance qu'elle a plantée sur Lois Lane qui est couchée sur le sol. Et l'anatomie, la forme en fait de le, je sais pas comment expliquer, mais l'anatomie de Wonder Woman est bizarre. On dirait une espèce de nymphe. Et tous les personnages sont designés comme ça. Il a fait une histoire. Bon, niveau scénario, ça casse pas nécessairement trois pattes à un canard, mais il a fait Batman Superman, un crossover entre les deux. Et, ah oui, j'ai vu ça. Et c'était génial. Juste le dessin en fait tout quoi. Ouais, son dessin il est incroyable. Il y a un côté gothique. Peut-être que je dis la merde, mais ça me fait vachement penser à l'art nouveau un peu. Ouais. Comment il dessine. Ça s'inspire beaucoup de l'art européen du siècle dernier en fait. Il y a beaucoup de différentes époques qui se mélangent. J'ai vu des vidéos où il dessine et enfin il a une technique vraiment spéciale. Ouais. L'encre de Chine, c'est pas comme avec nos. Alors nos pour les gens qui s'intéresseraient à l'histoire un peu, alors l'histoire se déroule dans un hôpital psychiatrique où une jeune femme médecin fait la connaissance d'un patient pas comme les autres. En effet, il affirme être un ange déchu sur terre. Est-il vraiment envoyé de Dieu ou un fou? Et donc voilà, entre folie et réalité, découvrez ce chef-d'œuvre inédit de Jay Ali, un récit intense et personnel, magnifiquement illustré par Jay Ali au sommet de son art. Et je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était une fille, mais je suis désolé. C'est Wachowski qui était déjà. Ouais, voilà, peut-être, c'est voilà, il y a trop de. Sinon, on va vite passer dessus. Et dans les sorties, vous avez Providence 3, Deadpool, Les Guerres très très secrètes, Marvel Zombie 3, Nova 2, Spider-Man Gwen. 4, Venom 3 et Spider-Man et Deadpool. Donc voilà, si Providence, c'est du Alan Moore qui fait du Cthulhu, tu peux l'acheter les yeux fermés. Ok, je ne connaissais pas, mais pourquoi pas. Ça tue. Donc voilà, le troisième sort cette semaine. Voilà, on va passer à la première pause musicale et c'est pause musicale suggérée par Thomas. Oui. Tu donc c'est un ami que j'ai rencontré il y a pas si longtemps. Son nom d'artiste c'est Matsuda. Donc je vous invite à aller voir son SoundCloud où il a un style assez particulier. C'est un peu entre électro, rock. Enfin, il fait vraiment de tout, mais dans son style avec des inspirations un peu en mode Radiohead ou du Pink Floyd un peu psyché. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il fait ça tout seul et je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent. En plus, il a mon âge, donc pour son âge, beaucoup de talent. Et donc là, c'est son titre Lake of All Ghosts. Donc okay. Je vous invite à écouter et à aller voir son SoundCloud. On mettra tout ça dans ça la description. Ça lui fera plaisir. Du podcast. Et bah voilà, on vous laisse avec le titre. Somewhere, somewhere, somewhere. Et c'était Matsuda, vous êtes toujours en train d'écouter Comics Discovery sur Radio Campus Montpellier, le 102.2 et ou sur internet si vous nous écoutez en podcast. On va vous parler de Face de chez Valiant, mais avant, on va peut-être revenir un peu sur Valiant, l'univers Valiant, qu'est-ce que c'est ? On vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas ou qui nous écoutent pour la première fois, Valiant c'est un univers d'un éditeur, donc vous avez Marvel avec son univers, DC avec son univers, et là c'est Valiant, donc Valiant un univers qui est un peu plus neuf, puisque je crois qu'ils ont fait un reboot en 2012, je crois. Où il y a un... J'ai vu ça en 2012. Ouais, 2012, ça doit être par là. Ce qui est bien avec Valiant, c'est que la plupart des titres que vous allez lire sont tout le temps, enfin pour l'instant, tous ceux que j'ai lus, étaient au moins liés un minimum avec le reste. Donc vous, à chaque fois que vous allez lire un truc, vous allez retrouver des héros avoir envie de découvrir d'autres héros. Donc là, avec Face, par exemple, à un moment, on voit Archer de Archer Armstrong. Ouais, même les vignes. Les vignes, c'était ouais. Je m'en suis bouffé de ouf dans. Oui, mais les vignes, c'est une race extraterrestre qui est dans tout le. Et ça revient à chaque fois. Ouais, là-bas, je pensais vraiment que c'était vraiment consacré à Exo Manowar. Ouais, c'est beaucoup lié à Exo Manowar, mais c'est un peu les extraterrestres. C'est un peu comme les Shi'ark qui reviennent ou les Kree, tu vois. Ce que j'ai cru comprendre. Chacun ses problèmes, quoi. Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce que je peux vous dire, sinon ? C'est un univers qui est plus adulte, je trouve. C'est un peu plus réaliste, hein. Ouais. Le ton est un peu moins mainstream, Captain America, Youhou, Bouclier et compagnie, quoi. C'est un peu plus violent. Plus réaliste. Et ouais, avec des thématiques un peu plus adultes, un peu plus recherchées, je sais pas. Bah, l'époque que j'ai lu, j'ai l'impression que c'est presque ou Marvel ou DC qui est arrivé à faire un reboot vraiment en 2010, 2012, 2015, quoi, qui est vraiment arrivé à maturer un peu. C'est le truc cool, c'est aussi super héros, quoi. C'est que ça reste cohérent, quoi. Tu lis chaque titre est en. Et tu peux le dire un titre et l'autre il correspond à un autre titre, et enfin tout est bien cohérent, l'univers il est cohérent et t'as l'impression de lire un truc propre, tu vois. T'as pas 300 séries pour l'instant, ils ont t'as pas d'univers partagé, non, je veux dire d'univers si, parallèle. Si, univers partagé. Oui, je veux dire univers parallèle, t'as pas ce genre de. C'est plus compensé, il y a moins de continuité, donc t'es pas obligé de te taper 75 ans de comics pour pouvoir comprendre ce que le comics est en train de lire. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, effectivement, pour l'instant. Mais soyons optimistes un peu. Aujourd'hui, on va vous parler de Face. Donc, comme c'est Mathieu qui devait faire le scénario, je crois, oui. Non, c'est comme... du tout. Ah non ? Non, je crois que tu m'avais proposé. Ah oui, c'est toi, excuse-moi. Ça m'arrange. En plus, j'allais bosser. Ouais. Non, parce que t'avais un papier dans les mains, je dis, mais il a un papier dans les mains. Moi, j'ai pas bossé. Ça, t'avais rien aujourd'hui. Ah ouais, moi, je suis arrivé, c'est quoi, on parle ? Donc, Mathieu, Romain, excuse-moi, quoi ? C'est l'habitude. Toujours pas, non. Donc, Face, c'est l'histoire de Face Herbert, alias Zephyr. Qui quitte sa team de super-héros en fait et qui s'installe à LA. Elle prend un pseudo, elle se fait appeler Summer Smith et elle devient, comme c'est original, journaliste. Elle met des lunettes pour pas qu'on la reconnaisse. Et une belle perruque. Et elle vole dans le ciel. Voilà. Je sais pas si vous avez la référence. Non, je vois pas. Non, tu peux me dire, s'il te plaît. Ah, elle a pas de cap et elle a une perruque rouge à la place. C'est là si, que ça dénote. Attends, c'est dans Star Wars, si ça me parle. C'est vrai. Voilà, en gros, elle a un pouvoir de télékinésie qui lui permet de voler, de faire voler les autres, de créer des boucliers aussi. De créer des boucliers, voilà. Ça le fait beaucoup, ça. C'est un peu Mrs. Fantastic. Et elle est fan de pop culture, elle en parle tout le temps, elle est très très référencée pop culture, elle cite des super-héros tout le temps. D'ailleurs, son pseudo Summer Smith, ça vient de Scott Summers, Cyclope des X-Men. Voilà, Cyclope des X-Men. Mais ça vient aussi de Buffy. Buffy Summers. Et bien, du coup, Buffy Summers, elle s'appelle Buffy Summers à cause de Cyclope. Parce qu'il était vachement fan des X-Men. Parce que Whedon est super fan des X-Men. Ah. Elle parle beaucoup de Whedon aussi. Oui, mais elle est geek, donc forcément, voilà. On parle de Whedon. C'est pas Faye qui avait écrit le comics à un moment donné. Pour la petite histoire, elle a détesté, mais elle a vraiment détesté le comics. Ouais. Ah, pourtant, il y a une ressemblance entre les deux. Hein. Au niveau centre d'intérêt et tout. Il y a beaucoup de moments où je regardais des pages et je me disais, on dirait qu'il va tellement mal le prendre que tu dis ça. Je me suis dit le même parce qu'elle aimait les mêmes références un peu. Bon, c'est une coïncidence pourrie, mais Faye, je sais pas. Ouais, aussi. Ça fait un peu conspiration quand même. En fait, elle la trouve trop. Le personnage est très, très, très optimiste et. Elle aime pas le fait qu'elle soit. En fait, il lui arrive des trucs dans la série d'avant, Harbinger, il lui arrive des trucs vraiment horribles et elle le prend super bien alors que. Donc, mais ça, c'est l'inverse, j'ai envie de dire. Elle a le droit de pas déprimer. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais là, elle est aussi chiot. Ça m'a fait rire, ça, d'ailleurs. Bon, je vais pas parler à sa place, mais elle a pas trop kiffé le personnage. Elle le trouve un peu trop gnangnan et fleur bleue. Voilà. Voilà, et en gros, le pitch, c'est que il y a quelqu'un qui kidnappe les psioniques. Ouais, les psioniques, ouais. C'est les gens qui ont de la télékinésie dans l'univers de Valiant. C'est l'excuse dans Valiant pour avoir des super-héros. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, c'est pas des araignées, c'est des psioniques. Qui sont déclenchés, d'après ce que je sais, par les Harbingers. C'est un groupe. Et en gros, elle va mener son enquête pour savoir où sont passés les potentiels futurs super-héros, puisqu'ils sont encore latents. Et voilà, c'est à peu près tout pour le scénario. Oui. Voilà. Alors, on va peut-être passer vite fait au dessin. Au dessin, il y a deux artistes. Il y a Marguerite Sauvage et Et l'autre, c'est Pere Pérez. Ouais, j'aime voilà. beaucoup son nom, ça m'a beaucoup fait rire. Il a pas fait du Star Wars, lui, Pere Pérez Non, c'est Pélaras. Ah, c'est un autre, ouais, je vous ouais, parce qu'il y a, du coup, en fait, il y a même deux séries. Il y en a une qui a commencé juste après. Et celui qui s'occupe de la série maintenant s'appelle Pere Pérez. Et le truc, c'est que. Niveau dessin, en fait, j'ai rien trouvé. Il y a rien qui m'a particulièrement marqué, en fait, à part les parties avec Marguerite Sauvage. Ouais, la même. C'est les seuls moments où j'étais un peu pris dedans, en fait. Parce que je sais pas, ça doit être le graphisme qu'elle a. C'est même pas juste ça, en fait. Elle a un graphisme qui est extrêmement doux et coloré. Et qui était bien en accord avec les scènes de rêverie dans lesquelles qu'on lui demande de dessiner, en fait. Parce que c'est toujours des moments où fait, c'est en mode, je pense à genre l'acteur que j'aime le plus ou la vie que j'aimerais bien avoir. Son style me faisait penser à Phil Noto. Ouais. Et le dessin marchait vachement bien avec ces scènes là mais surtout elle a une manière de découper qui est beaucoup plus énergétique, beaucoup plus fantaisiste. Le design de ses personnages est toujours super, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement coloré, c'est un peu comme manger des bonbons. Non mais c'est vrai, c'est ça. Il y a un côté bonne humeur, en fait, dans la manière dont Marguerite Sauvage dessine, que j'aime beaucoup. Mais c'est une Française. Oui. Ouais, elle vient de signer chez DC pour une ongoing qui s'appelle Bombshell United. C'est vraiment cool. L'univers Bombshell français comme ça. Un peu pin-up. Tout ça. Moi aussi, j'ai beaucoup regretté que ce soit pas elle la dessinatrice. Surtout ouais, le bouquin, la dessinatrice ouais. principale. Ouais, surtout que bon, l'air de rien, le choix de graphisme n'était pas incohérent. C'est-à-dire que Marguerite Sauvage, comme j'ai dit, elle est là sur des séquences, on va dire un peu oniriques, où le personnage s'imagine un peu genre sa vie parfaite. Le reste du temps, le dessin est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sombre et s'accorde un peu mieux au ton, en fait, de l'histoire, quoi. C'est genre la vie normale de la fille qui vient de se réinventer une existence et elle mène son enquête de super-héros et elle vit sa vie cachée à côté. Le graphisme reflète assez bien ça, finalement. Je pense qu'ils ont fait exprès de prendre un tel parti pris de contraste. Bon, après, le reste, c'est vraiment une question de préférence, en fait. J'ai Marguerite Sauvage, c'est juste parce que ça m'a plu à moi, mais je pense que si on demandait à une autre personne, il aurait probablement eu des préférences pour le dessin beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sombre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Moi, je parie que toi, je préférais Marguerite Sauvage, mais je sais pas si sur une ongoing, sur un titre complet, ça aurait pu être un peu. C'est ça le truc, c'est qu'après, elle fait qu'une page, enfin, elle fait 2-3 pages un seul numéro, donc après, il y a moins de travail à faire. Bah, je l'ai vu sur Victor. C'est poussé au niveau des couleurs, ajouter des arcs-en-ciel, etc. Parce qu'on est dans le monde de la rêverie. C'est... Ouais, mais je l'ai vu sur du Thor, Marguerite Sauvage, un chapitre de Thor, la nouvelle, la fille Thor. Et autant j'ai beaucoup aimé le dessin, bon, le scénario j'ai pas pu supporter parce que c'était encore une même histoire de oh mon dieu, c'est une fille, comment ose-t-elle. L'amour de Mighty Thor et de Johnny. Ouais, non, mais ça n'a aucun sens, ce truc. Mais le dessin était super. Et c'est même la raison pour laquelle j'avais lu cette histoire là, c'était que j'aimais beaucoup comment c'était dessiné. Et après, on pourra poser la question de, étant donné le dessin un peu girl, est-ce que ça allait vraiment bien avec Thor, mais je trouvais que ça marchait plutôt bien. Elle avait un sens de l'humour visuel qui était vachement sympa. Et ouais, si je devais recommander un truc à quelqu'un qui s'intéresse à la nouvelle Thor, autant commencer par ça, quoi. L'histoire était plutôt fun. Autant ne pas recommander du tout la nouvelle Thor si tu dis que c'est vraiment... le concept, j'aime bien, c'est comment il l'exécute que j'ai un souci dans ses histoires à elle. Quand elle est dans d'autres histoires, elle est intéressante. Le personnage a rien de mauvais, hein. C'est juste tous les moments où les personnages deviennent sexistes sans aucune raison, alors qu'ils ont déjà vu des filles utiliser Mjolnir ou se sont fait casser la gueule par des filles avant, mais pour une raison qui m'échappe, soudainement, dès que Thor est dans la place, tout le monde est un sexiste, donc va comprendre. Okay. Ouais, c'est vrai, mais c'est mis en avant, mais en même temps, je trouve la série elle est pas mal. C'est Jason Aaron. Ouais. Et... ouais. Moi, je trouve ça. Ouais, ouais, du coup, je me régale pour l'instant. On va revenir sur notre sujet. Bertrand, qui a pas beaucoup parlé, et je sais que tu as beaucoup apprécié la série. Est-ce que tu veux nous donner ton avis vite fait? Bien sûr. Alors moi, j'ai adoré. Franchement, je connaissais pas. Enfin, je connaissais juste de nom parce que j'avais des amis qui l'avaient lu. Et je m'attendais pas, en fait, à autant apprécier. Je pensais que ça allait être une histoire encore sympathique mais sans plus, mais là vraiment ça devient mon nouveau ma nouvelle acquisition sera Faye quoi. C'est OK. Ça va devenir ma. Et pourquoi t'as aimé, c'est quoi les trucs qui t'ont attiré dans... Je sais pas, c'est j'ai trouvé ça très justement moi c'est le côté optimiste qui me plaît beaucoup parce que après je sais que toi t'es fan de Batman, t'aimes bien le héros un peu torturé, un peu dépressif, c'est ça. Mais là, on a une héroïne, je sais pas, qui est contente, qui vit sa vie, qui est contente de se lever le matin et qui dit pas, ses parents sont morts, mais ils sont pas en mode, elle est pas en train de mettre ça, enfin, toute la misère du monde sur la bande de ses parents. Elle le vit bien. C'est vrai que c'est vachement feel good comme. Ça fait du bien, quoi. Ça fait. Si tu peux lire ça, tu as déprimé, tu le lis, ça va bien. Si tu es de bonne humeur, tu le lis, ça va bien. C'est très bien. En plus, il y a beaucoup de références toutes les 5 minutes à la pop culture. Il y a quand même une référence assez pointue au cinquième élément. Hein. Oui, bah oui, d'ailleurs, clairement. C'est pas forcément évident dans un comics. Hein. Et il y a beaucoup de body positive, et c'est important que justement que les héros et héroïnes ne soient pas. Justement, oui, parce qu'on l'a pas dit encore pour les gens qui nous écouteraient. Par rapport à. Enfin, que ça sorte des clichés de Wonder Woman, Superman, Biscotto et filiforme. Là, on a une. Ouais, l'héroïne bien ronde. En chair, avec des problèmes de personnes normales. Payer son loyer, manger, qui regarde des séries, qui geek. Elle a un petit côté Spider-Man un peu, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Elle arrête pas de parler tout le temps. C'est l'un des trucs qui m'a saoulé rapidement. Moi aussi, ça. Vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à finir le premier tome. Ouais, à cause de ça. À cause du fait qu'elle parlait beaucoup. Ah, c'est une logorée verbale permanente. Bon, en plus, elle a deux. Alors moi, j'avoue que de temps en temps, ça passait bien, mais elle a deux dialogues. Elle a le dialogue dont elle va parler, et derrière, ses pensées sont forcément un peu différentes. Alors, de temps en temps, ça passe bien. Genre, quand elle arrive dans les kidnappeurs de chiens et qu'elle sort une phrase, et elle pense, oh, putain, qu'est-ce que c'est nul ce que j'ai de lire. Ça, pour le coup, des fois, t'avais pas mal de décalage entre ce qu'on peut lire d'habitude, effectivement, le bon vieux Captain America qui va bien, et cette fille qui vit sa vie, qui s'endort au travail, parce que quand on se promène la nuit pour courir après des méchants, la journée, on est fatigué. Sauf si on s'appelle Bruce Wayne, mais bon, voilà. Et t'as pas mal de décalage comme ça, mais effectivement, ouais, en termes de dialogue, du coup, ça fait peut-être parfois un peu too much, mais c'était un peu frais, c'était pas génial, mais j'avoue que dans la mesure où on est tellement habitué à voir les super-héros habituels, que là pour le coup avoir une fille qui se trouve un boulot, qui nous ressemble quand même pas mal dans plein de points, parce que voilà, on a les mêmes passions, et puis à un moment donné tu te poses aussi les bonnes questions, lorsqu'il y a la maison qui explose, à un moment donné tu sors de là en disant putain j'ai peut-être fait une connerie, c'est ma faute, machin, tout ça, c'est peut-être un peu cliché, mais c'était amené de manière assez frais, et il y a un concept que j'ai bien aimé dans le comic qui a pas été vraiment... approfondie, c'est dommage, c'est qu'à un moment donné comme ça, donc elle s'interroge un peu sur sa carrière de super-héros, elle parle avec Archer, donc, qui est un peu son confident super-héros, qui fait partie d'une autre série, et Archer finit par lui dire un truc du genre, défendre la ville, c'est essentiel, enfin défendre la vie ou défendre les gens, c'est essentiel, mais participer aussi, c'est important, quoi. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, tu lis d'autres comics où les mecs passent leur temps dans l'espace à se battre contre des machins ou des monstres et compagnie, et à aucun moment nous on y est, quoi. Enfin, le peuple n'y est pas, les gens n'y sont plus. Et du coup, je trouvais l'idée intéressante. Au final, tu te fais défendre par des gens qui n'ont plus aucun rapport avec toi, et parce qu'au final, c'est les mieux placés pour nous défendre, après tout, quoi. Je vais faire une allégorie qui est complètement what the fuck. Quand tu auras notre classe politique qui est complètement décalquée par rapport au reste du peuple, quelque part, ouais, les super-héros Marvel ou DC, tu dis, ils sont tellement, tellement la tête dans le guidon à défendre des menaces cosmiques tous les jours qu'on n'est plus là. Et pour le coup, je trouvais ce truc-là vachement cool. Il y avait un peu le même. Une grande réflexion au truc. Hein. T'as vu, moi, j'ai pas allé aussi loin. Il y avait un peu le même lien dans Vision. Oui, ouais, voilà. Ou Vision, je cherchais. Ouais. Ouais, après, j'aime beaucoup quand tu fais le lien entre les humains, nous, et puis il y a les super-héros qui se battent. Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Ouais, je cogitais, hein. Ouais. Moi, j'ai pas dormi cette nuit, du coup. Ouais, justement, moi, je trouvais que Face était un récit plutôt, genre, simpliste, tu vois, genre. Après, genre que ça sert, voilà, c'est du divertissement, du bon divertissement. Le dessin est cool, mais après, je dois avouer que c'est pas un truc que j'aurais forcément acheté. Enfin, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre, c'est pas exceptionnel. L'histoire, je la trouve assez simpliste. T'as un antagoniste, le super-héros doit le détruire et il le détruit. Après, justement, la réflexion que tu viens de mener, je l'avais pas du tout vu dedans. Hein, t'as vu, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est genre par exemple quand on traite d'un super-héros, qu'on traite de la justice comme dans Batman ou des trucs comme ça. Et là, j'aime moins quand il n'y a pas une thématique qui est abordée comme ça. Là, c'était plus, voilà, on a un super-héros qui est comme vous, donc vous allez vous identifier et puis vous allez. Après, c'est un premier titre, ils essaient de poser les bases du personnage, poser les. Le reste est pareil, hein. J'ai continué à lire un peu. Et après, comment dire, quand j'ai appris que la série existait, la première question que j'avais c'était. Marvel m'a un peu trop habitué à genre je crée un personnage avec une gimmick genre il est de telle origine et machin, et là sa gimmick c'était elle est en surpoids, et du coup je me demandais ça va être un truc de propagande où tu vas pousser les gens à avoir des crises artérielles et mourir ou et du coup j'étais très agréablement surpris en fait de voir que finalement cet aspect là du personnage ils en parlent absolument ça je trouvais ça cool qu'ils abordent jamais le truc, c'est bien, en fait ils traitent le personnage comme une personne, c'est à dire qu'elle a autre chose à faire dans sa vie que de se préoccuper de son surpoids, parce qu'après tout on s'en tape. Et après au niveau de sa personnalité, il y a un petit côté Spider-Man, c'est vrai, dans le côté je m'occupe un peu de ma vie sociale un peu plus, ou équivalent que ma vie super-héroïque, mais effectivement c'est très simple en fait, l'histoire est pas particulièrement originale, c'est dans un équivalent cinématographique, on va dire que quand Disney a fait Big Hero 6, truc avec Baymax, là, l'espèce de gros, le gros cousin là, ils ont fait l'histoire super-héroïque par excellence quoi, donc pour un gamin qui l'a jamais vu ou quelqu'un qui connaît pas ce milieu là, il verra le film et il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais j'ai trouvé ça vachement surprenant, vachement sympa et tout. Moi qui lis ou qui regarde des trucs sur cette formule là depuis que je suis petit, chaque ficelle tu la vois venir quoi. Là c'est un peu pareil, c'est pas nécessairement dommageable, c'est pas nécessairement un élément négatif pour Faith, c'est juste que c'est de l'histoire classique en fait, donc je pense que pour les gens qui sont pas trop habitués encore à lire des comics de super héros ça peut être très bien, parce qu'il y a absolument rien de particulièrement négatif dedans, mais personnellement pour moi qui en ai déjà lu depuis longtemps, et à mon avis pour beaucoup d'autres gens qui en ont lu depuis longtemps aussi, ça sera pas nécessairement le truc le plus révolutionnaire que vous aurez lu dans votre vie quoi. Mais ça permettra peut-être à ramener aux comics des gens qui iraient pas forcément. Ouais. Et ça permet d'avoir des filles qui seraient un peu en surpoids et qui n'ont aucun truc positif à se dire oui, il y a Machine qui est comme moi, ou dans les séries télé ou même en comics, tu vois pas vraiment, tu n'en vois jamais des gens qui ont un physique un peu normal. Et là, au moins, elles pourront se. Moi, je trouve que ça manque d'enjeu justement par rapport à ça. Ah ouais? D'accord, c'est bien de ne pas faire l'apologie du pour ou du contre ou quoi, mais là c'est complètement transparent. Elle est avec son ex, il est super bien foutu, c'est Mister Univers. Tout le monde fait. Enfin, je veux dire, je trouve que ça manque vraiment d'enjeu par rapport à ça. Moi, on me l'avait vendu comme un titre révolutionnaire, un super héros qui ressemble pas à Wonder Woman, qui est atypique. Et au final, dans le titre, c'est complètement transparent. C'est du fan service, c'est une histoire de super héros. Elle va résoudre son enquête, elle va se battre contre un méchant, et puis fin. Bah, après ça, ouais, c'est une grande question de savoir si on traite du sujet et qu'on risque de grosses critiques parce qu'on s'y prend mal, ou sinon on l'aborde pas, et aussi du coup si on l'aborde pas, ça fait que ça reste justement transparent, mais en même temps, je sais pas, c'est une question. Je dirais l'utiliser mais de manière en parcimonie, c'est-à-dire par exemple, il y a une scène où on voit son ex, qui est comme tu dis, genre le mec c'est genre Apollon, et il y a la nouvelle copine de l'ex, qui est une espèce de bimbo total, et qui lui dit, alors moi j'ai lu en anglais, donc je sais pas trop comment traduire le truc, mais en gros elle voit la fille, elle lui dit en gros tu t'es amélioré depuis quoi, genre ta nouvelle copine est mieux foutue que ton ancienne quoi, et c'est le seul moment vraiment où ils le disent. C'est pour ça en fait je dirais l'utiliser en parcimonie, c'est à dire si t'as une situation qui s'y prête tu le dis, si t'as une histoire intéressante ou si c'est un élément important tu le mets, mais sinon là en l'occurrence c'est une histoire de juste super héros qui essaye de trouver des gens qui se sont fait kidnapper, si t'as pas vraiment d'utilité de préciser ça dans l'histoire l'utilise pas, et le mentionner de temps en temps oui, l'utiliser comme élément important dans une histoire qui s'y prête bien aussi, mais le mettre en permanence c'est pas forcément nécessaire. Je comprends qu'il faille pas le mettre en permanence, mais moi on me l'avait vendu comme ça d'ailleurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis allé regarder un petit peu avant le reboot, le Harbinger de 92. Mm-hmm. Elle était plus mince. Oui. Donc si on a forcé ce trait de caractère, pourquoi dans le scénario c'est transparent? Je vois pas l'intérêt en fait. Mmh, je vois. Je vois pas du tout l'intérêt. Elle aurait pu avoir de l'acné ou n'importe quel autre truc. Je veux dire, c'est. Après, c'est comme. Merde. J'allais dire. Bah non, bah Miss Marvel, parce que Miss Marvel, ils en parlent, mais c'est un trait de caractère qu'ils ont rajouté à Miss Marvel. Mais le principal but, le fait qu'ils l'ont grossi entre guillemets, c'est justement pour que des jeunes filles en surpoids puissent juste simplement se reconnaître, juste pour se sentir un peu plus proche d'un héros. Enfin, après c'est juste le but, je pense pas que ce soit un but militantisme pour quoi que ce soit, c'est juste le fait d'avoir si on a un super héros qui est noir, si on a un super héros qui est gay, si on a un super héros qui est gros, c'est juste pour que des enfin des, ouais, des représentations pour que tout le monde puisse ouais, au moins voilà. se retrouver ouais, dedans quoi. Toi-même dans ta vie de tous les jours, tu vas pas te passer ton temps à te dire je suis blanc, ma vie tourne autour de ça. C'est sûr, mais ouais. Moi j'ai grandi avec des comics. Quand j'ai lu les X-Men, c'était pour parler du racisme. Quand mais pas à chaque fois. Ouais, dans tous les X-Men que tu lis, ils en parlent pas souvent. Les premiers, ça tournait énormément autour de ça. Il y a toujours eu des enjeux dans la création de super-héros, et là, j'en vois pas du tout. Ou on m'a vendu qu'il y aurait un enjeu, et en fait, je vois pas. Après, le reste de l'univers Valiant est beaucoup plus, parce que là, c'est vraiment très bright et très lumineux. Le reste de l'univers Valiant, enfin, du Bloodshot, par exemple, c'est super. Mais c'est beaucoup plus après, violent. Après, c'est vrai que le titre a été vendu un peu sur ce sujet-là au départ. Bah, en plus, parce que moi, à chaque fois, je voyais des reviews, à chaque fois, c'était regardez ce personnage est en surpoids, allez lire parce que ça révolutionne le truc. Et du coup, moi, je me suis dit, ouais, ça va parler aussi de la question du surpoids. Moi aussi j'ai eu un peu de déception. Mais après ça m'a pas déçu, enfin je sais pas, je m'attendais pas à grand chose du titre de toute façon. Biz Comics on a peut-être un peu trop parlé, a peut-être un peu trop mis en avant ce personnage, alors qu'il y a des comics, enfin il y a des comics, faut sans être méchant avec le titre, il y a des titres vraiment mieux de chez Valiant. Bah Harbinger par exemple est vraiment mieux, Bloodshot est vraiment cool. Est-ce que au moins ça vous a donné envie de lire du Valiant? Je suis tombé sur une pub de Archer et comment il s'appelle encore? Armstrong. Ouais, et le dessin a été fait par David Lafuente et j'étais en extase devant. Donc ne serait-ce que pour David Lafuente, je vais au moins lire Archer et je pense qu'au fur et à mesure je finirai par lire d'autres trucs, parce que tel que c'est parti ça va, ils sont tous interconnectés, donc forcément tu finis par t'intéresser à tel personnage que t'as vu passer, tu te dis tiens il a une bonne tête. C'est ça, en plus je les trouve très intelligents dans la manière dont c'est interconnecté, c'est que là effectivement tu lis Face, tu dis putain ce Archer il a l'air sympa, putain il a l'air badass, putain je vais lire une série de lui, et pour le coup c'est vraiment malin. Donc effectivement moi aussi je rejoins un peu Juni, je vais m'y mettre un petit peu. En plus c'est vraiment frais d'avoir un univers partagé où t'as pas 600 séries avec 14 univers parallèles, 50 mecs qui viennent du passé pour changer le futur ou présent pour changer le machin. Puis c'est un petit éditeur, franchement c'est le mec qui est bordelais, il a tout quitté pour faire bon ça matos, franchement l'objet même, enfin pour avoir vu plusieurs de ces comics en main, les objets sont bien faits, il y a vraiment un travail éditorial dessus, il y a des bonus aussi à la fin avec toutes les planches d'ancrage. Il y a une petite édito et tout, un petit rappel, non c'est vraiment très pro. Puis on ne pousse pas la consommation avec des petits bas de page où on te dit allez lire Harbinger, allez lire machin. Ouais, parce que ça se comprend, on comprend qu'on a raté un morceau, mais ça nous handicape pas pour comprendre le Face à en elle-même. Le seul mini reproche peut-être, mais ça à la limite je veux bien le comprendre largement, c'est que par rapport à ce que peut faire Panini ou Urban dans le même format, il y a un numéro de moins en général. Là je crois qu'il y avait 4 numéros dans le Bliss, enfin dans le premier là en VF. D'habitude il y en a 5. Il y en a 4. Ce que tu as lu, le truc avec les vignes là, ouais. C'était 4 numéros. Et ils le font par tranche de 4 apparemment. Ah bah j'ai rien alors. Parce que dans le Bloodshot aussi, mais à la limite... En original, je veux dire. Le Tipeee, voilà, c'est un petit éditeur. Puis en plus, il l'a vendu à 10€, enfin le Face. Ouais, au début, là, ils sont à 10€, ouais. Ah, je sais pas si c'est encore maintenant. Ouais, mais après, ça reste pas permanent. Mais moi, c'est cool parce que les gens qui veulent découvrir le comics avec des titres pas chers comme ça, je trouve ça génial. Enfin, en tout cas, je soutiens à fond cet éditeur. En plus, on a déjà fait une émission la dernière fois. Ouais. Bon, j'ai préféré XO Manowar que Face, mais en tout cas, moi je conseille carrément l'univers Valiant. Face, il faut y aller si vous supportez les références en permanence. Ça, ouais. C'est comme tu disais, la logorée verbale, je sais pas si c'est moi, mais j'en peux plus des personnages qui passent leur temps à faire des références à plein de trucs tout le temps. Si vous aimez Abed dans Community, vous pouvez y aller, c'est un peu la même chose. Mais même lui, il le fait de manière un peu plus intelligente. Là, c'était juste, je vais mettre une référence à une série télé ou à un film parce qu'il faut mentionner que la fille est une geek, il faut le rappeler parce que ça se trouve, le lecteur, il a des problèmes dans son cerveau, il a oublié. Et puis des fois, c'était vraiment un guide pour comprendre tout ce qui se passait. C'était vraiment de l'accompagnement, on t'accompagne par la main pour lire ton comics, pour que tu comprennes tout, pour que tu rates pas, une case. Du coup, c'est peut-être un comics fait plus pour des gens qui n'ont Je pense que c'est clairement un point d'entrée. Regarde Bertrand sans te le montrer du doigt, qui a moins de culture que vous, a vraiment kiffé, et je pense que c'est vraiment fait pour ça. C'est les gens qui lisent pas trop de comics, regardez, vous allez peut-être kiffer, c'est un univers qui va vous parler, avec des personnages qui vont vous parler. Est-ce que ça t'a donné envie de lire du Valiant? Oui, franchement, carrément, parce que j'ai pas lu tout ce qui s'est passé avant. J'ai commencé Valiant avec Face, et bon, il y a quelques points qui sont un peu obscurs, mais c'est pas, enfin, j'ai pas, ça m'a pas empêché de comprendre, comprendre l'histoire de, enfin, de cet épisode là quoi. Ok, mais est-ce que ça t'a donné envie? Oui, franchement, clairement. Et je me dis, pour l'instant, là, les autres personnages vont pas, je suis pas tombé amoureux des autres personnages, mais je me dis, je suis pas à l'abri qu'il y a un autre personnage débarque et qui te plaise et que je le suive aussi. Ouais, ok. Non, mais c'est parfaitement correct comme univers. Hein. Enfin, tel que c'est présenté comme ça, en tout cas, c'est cool. Hein. Eh ben, on va arrêter sur ça, sur cette très belle parole de Juni. Est-ce que vous avez une petite attente ou un petit coup de cœur à nous proposer avant la fin de cette émission? Taiyo Matsumoto. Il y en a toujours. Ouais, mais c'est parce que je passe mon temps à essayer de chercher des trucs sur internet en permanence pour remplir mes banques. Donc chaque fois que je tombe sur un truc cool, je me dis, il faut que le reste du monde sache. Ouais, donc il s'appelle Taiyo Matsumoto, c'est un japonais, c'est un auteur de manga, et à mon avis les gens qui s'intéressent un peu à ce genre d'univers doivent déjà le connaître parce que c'est le mec qui a fait le manga original de Amer Béton. Ok. Et très bon. Ouais, et le graphisme du film animé Amer Béton est un peu différent, c'est-à-dire que c'est pareil, mais il a une manière un peu dans le manga de dessiner un peu. On dirait, en fait, imaginez le dessin de Moebius, mais dessiné par un gars qui a décidé de dessiner comme Moebius, mais comme si lui-même était un enfant de 5 ans. Donc il connaît parfaitement l'anatomie, il connaît parfaitement la perspective, il a un design qui se rapproche assez de Moebius, mais il fait exprès de dessiner les choses de manière un peu souple, un peu vague, il dessine les mains de manière un peu bizarre, et ça rend, à mon avis, il y a des gens qui vont pas nécessairement beaucoup aimer, mais personnellement j'ai trouvé ça fabuleux, c'est juste génial, et il a une narration qui est très très bizarre aussi, et qui surtout, c'est, sachant que c'est un manga, c'est extrêmement original par rapport à un manga classique, on va dire, qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'en lisant ça, tu penses pas que le gars ait fait du manga, en fait. Tu vois juste une BD, quoi. C'est clairement mon manga préféré. Ouais, voilà. Et mon animé préféré aussi. Ok. Bah Romain, vu que t'es en train de parler, est-ce que t'as... Bah moi, je vais lire du Valiant, je pense. Okay. Clairement, j'ai regardé les petits synopsis des autres personnages. Et j'en ai vu un en Louisiane qui a affaire à des fantômes. Et ça C'est Shadowman, je crois. Shadowman, ouais. Voilà. Et ça m'avait l'air vachement sympa. Je pense que ce sera une des prochaines lectures. Mathieu, excuse-moi, Thomas. T'as du mal, hein? En ce moment, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est Rebirth. Il faut y aller maintenant, les gars, parce que voilà, DC, ils font un putain d'événement en ce moment. Et pour l'instant, tous les titres que j'ai lus, ils m'ont convaincu. Bon, après, ils sont pas tous au même niveau, mais en tout cas, il y a du très très bon. Et du coup, pour tous les nouveaux lecteurs, n'hésitez pas. C'est le moment de raccrocher les wagons. On l'a assez répété dans cette émission. Lisez du Rebirth. J'étais pas là les trois dernières, lisez Rebirth. Bertrand, est-ce que t'as un petit. Oui, moi j'aimerais bien parler d'un événement qui a lieu ce week-end. Bon, ça a rien à voir avec le comics, mais bon. Justement, c'est parfait. Je vais parler de l'événement qui s'appelle Love is Love. C'est deux merveilleux salons de tatouage à Montpellier. C'est Peau de Lapin, 11 rue de l'Université, et la Mano Podelosa sur 1 rue Jacques d'Aragon, qui fait une journée de 10h30 à 19h de tatou flash, donc tous les styles, tout ce que vous avez, vous pourrez forcément trouver ce qui vous plaît, et tous les bénéfices sont reversés au refuge. Donc si vous envoyez d'un petit tatouage tout mignon, pas cher, allez-y, c'est pour la bonne chose. Pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est le refuge. Le refuge, c'est l'association qui vient en aide aux jeunes homosexuels qui sont rejetés par leur famille, qui se retrouvent à la rue. Donc ça c'est une bonne action, un petit tatouage ça fait toujours plaisir, et autant que ça soit fait pour le bien commun. Ok, Mathieu, est-ce que t'as un petit... Moi j'ai comics, hein, je suis désolé, en plus c'est pas forcément gay, j'ai entendu parler de Rebirth et de logo Réverbal, ça m'a fait penser à All-Star Batman, que j'ai pas accroché du tout, malgré que ça soit Scott Snyder au scénario, du coup vous allez peut-être le lire, vous me direz, mais là pour le coup ça fait que parler tout le temps. J'espère tout le temps. Vraiment pas que c'est... J'espère que je serai pas du même avec toi, parce que j'en attends beaucoup. Bah, moi aussi j'attendais beaucoup, et je trouve qu'il a, il explique la situation, il montre les personnages, ça parle, et au moment où la narration est censée partir, exploser, parce que t'as de l'action, parce que t'as des révélations, il continue, ça continue à parler. Bah, peut-être qu'il est allé au bout des choses avec son arc. Maintenant, il y a Metal qui va arriver après. Ouais, là, j'avoue, ouais. Pour le coup, j'étais très désagréablement surpris. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je me suis chié. Quelque chose de propre. Heureusement, il y a Albuquerque à un moment donné qui dessine, et ça, c'est beau. Il va y avoir Murphy au bout d'un moment. Il y a Romita Junior, ça, c'est pour. Non, mais Romita Junior. Il y a Joe. Il est bon moi, ou pas Romita Junior sur le... Ouais, il est pas mal. Il est non, mais bon, et Romita Junior, c'est violent, c'est carré, ça envoie. Par contre, ça parle tout le temps. Ça fait que ça. Et ben moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de l'estival de Radio Campus Montpellier qui aura lieu demain. Donc, c'est de 17h à 22h, je crois. Et c'est plein d'émissions de Radio Campus Montpellier qui vont s'enchaîner. Et notamment, une section qui va s'appeler Comics Discovery versus Amalgame, où les gens de Amalgame, donc l'émission de jeux vidéo de Radio Campus Montpellier, et moi, et pas les gens autour de la table, parce que... Ah non, il y a Thomas. Il y a Thomas qui revient, et quand il revient bien. bien. C'est ça, c'est ça. Donc tu seras là pour combattre Amalgame et on va faire une série de quiz assez marrant. Ça, j'ai fait ça ce week-end. À mon avis, il y a des trucs bien sympas dans le lot. En plus de ça, vous allez avoir d'autres émissions. Donc il y a la Méridionale, il y a la culturelle de Radio Campus Montpellier, c'est Sans Danger qui vient. Donc il va y avoir pas mal de live, pas mal de trucs. Ça va être très cool. Je sais pas encore si on va le faire dehors, parce que normalement c'est dehors, mais vu le temps, apparemment demain c'est gros orage sur Montpellier. Ah ouais. Ça va être compliqué. Alors pour nos amis d'Amalgame, si James vous demande quel est le meilleur duo dans les comics, la réponse est Snyder Capullo. la meilleure équipe créative du monde, voilà, sera toujours Snyder et Capullo. Personne ne dit Stanley et Jack Kirby, non, ça vous. Ouais, je répète là. Bon, répondez ça à toutes les questions. Mais Jack Kirby, il a pas besoin de. C'est ce qui est bien avec Jack Kirby, c'est qu'il a pas besoin de Stanley. Stanley, ouais, c'est sûr. Ouais, on va vous laisser avec un son qu'a choisi Bertrand. C'est du Stupéflip, on a déjà passé. On aime beaucoup Stupéflip dans cette émission. Ouais. Et c'est The Solution. D'ailleurs, le nouveau clip est sorti. Le nouveau clip est vraiment sympa. Il est pas dans de ouf avec tous les néons là. Ouais, il est super bien ce clip. Donc voilà, on vous laisse. Moi, je vous donne rendez-vous sur tout. Les réseaux sociaux de Comics Discovery, le site web, donc Instagram, Facebook, Twitter, Comics Discovery, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, ciao ciao ciao. Tes blocages va débloquer. Fous les aigris en cloques, saute dans les flaques sans se défroquer. Tes vérités sont tronquées, tes pensées sont étriquées. Mec, prends de la hauteur et ne crois pas que tout est truqué. T'es flippant, t'as craqué sur des trucs rats, t'as cliqué, t'es planqué. Un de tu seras démasqué. T'es visqueux, t'es pisté. C'est violence que t'as posté. T'es flippé, t'es piqué. Faudra te faire dépister. You don't know what you're feeling when the shit is on your mind. You know the crew is the solution. It's not your imagination. You don't know what you're feeling when the shit is on your mind. Les a priori, je m'assois dessus avec le stup. Pas de sursis, ce n'est pas récent. Coup de massue, pas de coup de sang et vive le son. Je suis le jus, roi des sensus, en dessus dessous, ça sent le décès. Tu fais le fan, reste décent. Car le boss est fou, ce n'est pas récent. Le son est lourd, tu le ressens. T'as voulu parler, mais tu t'es rassis, tu t'es fait terrasser. Tu tripes dessus. Le message est clair, tu l'as bien reçu. J'ai de la sympathie pour les indécis. Mais tes costumes, ils ont rien compris. Si maman si, tu voyais ma vie, je suis dealer de son, t'es jamais déçu. You don't know what you're feeling when the shit is on your mind. You know the crew is the solution. It's not your imagination. You don't know what you're feeling when the shit is on your mind. Je suis l'altruiste, lyriciste, kiffiste, défiste, cyberaquaboniste. Ma force est dans ces pistes. J'résiste, j'insiste, influence dadaïste. J'existe, persiste, un stup radiesthésiste. Alchimiste, puriste, tendance bisounoursiste. Number one sur ta liste, de la boucle un spécialiste. Nihiliste, cubiste, autiste, guitariste. L'existence est si triste, encore pire que la peste. Imagination. You don't know what